Marco Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 22 juin 2022. Voici les grands titres de cette édition. Un homme a été tué ce mercredi matin par un policier à la gâchette facile. L'incident s'est passé devant les bureaux de la microfinance Hodge Family sur le boulevard de Liprona. La route nationale numéro 3 Rumonge-Bujumbura était toujours impraticable à cause du glissement de terrain qui continue. Une deuxième pelle excavatrice de l'entreprise OGS Atomi a été dépêchée ce matin en renfort pour déblayer cette route coupée en commune Mouhouta depuis la mi-journée de ce lundi. Et la pénurie du sucre qui s'observe conduit certains citoyens dans différents coins du pays à se rabattre aujourd'hui sur le jus de canne à sucre pour consommer du thé. Reportage à suivre. Et dans la chronique « Parle, rassure-moi », nous apprendrons que le doute sur les messages concernant l'histoire douloureuse du passé prévient contre la prise de décision hâtive. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour. Le président de la République a procédé ce mercredi à l'incorporation définitive de 90 candidats officiers à l'Institut supérieur de police Sizami Takataka. C'est en province Bubanza. Évariste Ndayishimiye a également ouvert officiellement l'année académique 2021-2022 à ce même institut. Et parmi les 90 candidats figurent 9 femmes. Certains citoyens de différents coins du pays se rabattent aujourd'hui sur le jus de canne à sucre pour consommer du thé avec la pénurie du sucre qui s'observe ces jours-ci. L'administrateur directeur général de la Sosumo, la société sucrière du Mosso, reconnaît une baisse de production de ce produit et explique cette situation par la vétusté de l'usine et de vieilles plantations de canne à sucre datant de l'implantation de cette infrastructure. C'était en 1988. Les détails dans ce reportage d'Apolloni Dusabe. Celui-ci est l'un des citoyens qui craint que la Sosumo aurait fermé ses portes pour justifier la pénurie du sucre qui s'observe ces jours-ci. Cette pénurie a fait que certains mettent du jus de la canne à sucre dans le thé à la place du sucre, comme le témoigne ce citoyen de la province de Bitoke. Ces jours-ci, nous nous arrangeons avec la canne à sucre. Nous la pilons pour avoir du jus à mettre dans le thé. Les habitants de la mairie de Bujumbura, eux aussi témoignent comment ils mènent leur vie avec cette pénurie du sucre. Les enfants aiment le thé, mais j'ai cessé de leur en donner car je ne reçois plus du sucre. Ces jours-ci, je prends le bleu blanc, je le mets dans le pain et à la place du thé, je leur donne de l'eau. On ne trouve plus du sucre actuellement. On peut l'avoir par exemple une fois le mois et par après, on passe plus de 4 à 5 mois sans l'avoir. Nous ne buvons plus du thé. Les enfants vont à l'école sans boire du thé. Nous, les parents, avons le souci que la réussite de nos enfants sera faible car un enfant qui a faim ne se concentre pas bien. Même son de cloche dans la province Kayanza où s'observe aussi la pénurie du sucre. Ni les enfants, ni les adultes, personne ne boit plus du thé. Nous obtenons du sucre difficilement. Pour exercer nos activités dans cette cantine du lycée, mon mari achète le kilo à 6000 francs bout et nous le vendons comme nous l'avons eu. L'administrateur et directeur général de la Sosumo affirme que cette pénurie du sucre au Burundi est réelle. Il dit que cela est dû au fait que la production de cette année a diminué à peu près de 5000 tonnes. Cette autorité explique les grandes causes qui ont entraîné cette faible production. L'usine Sosumo, c'est une usine vraiment qui est, je dirais, vieille. C'est une usine qui date de 1988. Il y a aussi une autre raison, c'est que à la date de la création de la Sosumo, en 1988, la population consommatrice du sucre était estimée à 4 millions. Maintenant, on est en 2022. Je pense que la population burundaise oscille autour de 12 millions d'habitants. D'autres informations reçues au niveau de la Sosumo font savoir qu'une autre cause de cette faible production sont les champs de la canne à sucre qui ne sont pas assez vastes et qui sont détériorés. Il y a aussi une forte consommation du sucre qui est effectuée par des usines de transformation des jus comme l'indique BBN, le Bureau burundais de normalisation des produits, qui dit que parmi plus de 60 variétés de jus certifiées, 3 seulement sont sans sucre. Dans le reportage qui suivra, vous découvrirez le schéma de distribution du sucre depuis la Sosumo jusqu'au consommateur. C'était ce mercredi matin aux environs. Merci Apollonie Doussave. Je vous le disais dans les titres, un homme a été assassiné par un policier chargé de la sécurité devant les bureaux de la microfinance Roche Family, se trouvant sur le boulevard de Luprona. Cela s'est passé ce mercredi matin à 7h. Selon les témoins sur place, ce policier a tiré sur la victime parce qu'il était stationné devant cette microfinance en attente de carburant. Pierre Mourikiye, porte-parole du ministère en charge de la sécurité, fait savoir que ce policier a été immédiatement arrêté et se trouve sous interrogatoire. Audrey Akimana pour les détails. C'était son mercredi matin, aux environs de 7h, quand un policier chargé de la sécurité à la microfinance, Hog Family Microfinance Mugango, qui se trouve sur le boulevard de Luprona, au centre-ville en mairie de Bujumbura, a tué à bout portant un homme. Selon les témoins sur place, ce policier a été tiré sur la victime car il était stationné devant cette institution de microfinance sur le fil d'attente du carburant à une station-service de quelques mètres en bas. Selon toujours eux, au moment où la victime était en train de chercher un bon parking de sa voiture, la police lui donna une gifle. La victime est ensuite sortie de sa voiture pour lui demander pourquoi il venait d'agir de la sorte. C'est à ce moment que la réponse de l'agent de police a été de lui tirer dessus, malgré la tentative d'un collègue venu lui arracher l'arme avant qu'il n'appuie sur la gâchette. Mais c'était malheureusement tard, puisque la balle fatale avait déjà atteint sa côte, raconte toujours ses témoins oculaires. Le porte-parole du ministère, ayant la sécurité dans ses attributions, Pierre Mourikiye, a informé que ce policier qui a tiré mortellement sur un citoyen a été appréhendé et qu'il est pour le moment sous interrogatoire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 13h03 à Bujumbura et sur Isanganiro. Le dragage du bassin portuaire et la construction du chantier naval au port de Bujumbura sont des composantes du projet de modernisation de ce port qui ne sont pas encore réalisées suite à la montée du niveau des eaux du lac Tanganyika. Évaluation faite par le directeur général de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire lors d'une conférence de presse ce mercredi. Jacques Bigirimana se réjouit néanmoins de la finalisation de la déviation du canal de Buyenzi et de la construction du terminal à conteneurs. Cette autorité déplore l'attribution d'un espace situé près du port à un particulier. Jacques Bigirimana insiste à sa réattribution au gouvernement. Au cas contraire, le projet d'extension du port de Bujumbura serait impossible à réaliser. Parlons toujours infrastructures. Les usagers de la route nationale numéro 3, Rumonge-Bujumbura, demandent au gouvernement burundais de tout faire pour déblayer cette route coupée en commune Muhuta. Depuis la mi-journée de ce lundi, ils indiquent que la seule pelle excavatrice de l'entreprise Sogeas Atom, IDPG depuis lors, n'est pas parvenue à renormaliser la circulation routière, le terrain continuant de glisser. À part les camions de transport des marchandises qui se sont vus barrer le chemin à ce niveau, le ticket de transport par personne sans bagage a été augmenté de 2000 francs burundais à 7000 francs bou, suivant les moyens utilisés pour contourner cette zone dangereuse. Les détails avec notre correspondant Jean-Pierre Misago. Ceux qui transportaient leurs marchandises vers la ville de Bujumbura à partir de Rumonge ont opté d'attendre jusqu'à la renormalisation de la situation. Pour cela, la pénurie du carburant est venue compliquer la situation. Pour d'autres, notamment les commerçants de mandarines, il n'y a pas d'autre choix que de rebrousser chemin, estimant que la perte est déjà consommée. Ceux qui se sont exprimés demandent au gouvernement burundais une intervention rapide et énergique pour renormaliser la circulation routière. Deogratias Nsanganiumwami, ministre burundais ayant les infrastructures dans ses attributions, lors de sa descente sur le terrain ce mardi, rassure que tous les moyens possibles seront mobilisés pour remédier à ce problème dans les plus brefs délais. Les informations obtenues de la direction générale de l'agence routière du Burundi, confirmées par l'administrateur communal de Muhuta, indiquent qu'une autre pelle excavatrice de Sogeas Atom a été dépêchée du côté de Bujumbura pour renfort. Entre-temps, les gros camions transportant les marchandises à partir de Rumonge se sont arrêtés à ce niveau au moment où il y faut entre 2000 francs burundais et 7000 francs burundais supplémentaires au ticket de transport de 7000 francs burundais existants pour simples passagers faisant le trajet Rumonge-Bujumbura et cela suivant que l'on franchit cette zone par bateau ou à pied. Ce glissement de terrain survenu à la mi-journée de ce lundi se poursuivait même jusque ce mardi soir. L'appel excavatrice de ce géosatome qui y était dépêché s'étant mise à l'écart de la zone dangereuse. Jean-Pierre Misago, depuis Kavugangwe, en commune Muhuta, Radio Isanganiro. Actualité internationale. De nouvelles brèves en actualité internationale avant la chronique sur les messages de haine. La dépouille de Patrice Lumumba, dont une dent en or, lui arrachée avant que l'on ne brûle son corps, est arrivée en RDC ce mercredi 22 juin 2022. Ce retour marque le début d'une tournée d'une dizaine de jours à travers le pays. L'occasion de rendre enfin hommage au premier ministre congolais renational assassiné il y a plus de 61 ans. Dans le vol parti mardi soir de Belgique de l'aéroport militaire de Mersbrook, il y avait la famille, une partie de l'exécutif, dont le premier ministre Jean-Michel Samalukonde, des militants de la première heure et des journalistes. En tout, une centaine de personnes qui ont assisté à l'ensemble des commémorations en Belgique. Au moins 255 personnes ont été tuées dans un tremblement de terre qui est survenu à proximité de la ville de Khost, dans le sud-est de l'Afghanistan, tout près de la frontière avec le Pakistan. Les autorités afghanes appellent à l'aide pour secourir les habitants pris au piège dans les décombres de leurs maisons. Les autorités craignent que le bilan ne s'alourdisse. Parle, rassure-moi. Douter avant d'accepter ce qui est dit aide à lutter contre la prise de décision hâtive qui se révèle souvent mauvaise. Docteur Hélène Mawenimana, chef du département de journalisme et communication à l'Université du Burundi, indique que les gens devraient plutôt se renseigner avant de prendre comme vérité ce qui est dit à propos de l'histoire douloureuse du passé. Elle interpelle la population à toujours veiller aux messages pouvant faire retourner le pays dans les violences de masse. Ornella Mocho. L'art de douter consiste à ne pas admettre les affirmations qui n'ont pas été soumises à un contrôle rigoureux. Docteur Hélène Mawenimana, chef du département de journalisme et communication à l'Université du Burundi, indique que cela prévient à avoir de mauvaises pensées pouvant inciter à la haine. Par exemple, on vous dit qu'un groupe X a attaqué un groupe Y dans le passé et que le groupe Y en a tellement souffert. Si vous êtes du groupe Y, vous pouvez peut-être directement penser à la vengeance. Mais si vous réfléchissez un peu, vous pouvez constater que au moment de vous venger peut-être, vous pouvez empirer la situation. Et alors, avant de penser à se venger, cherchez à savoir la vérité sur ce qu'on vous a donné comme information. Et de là, vous pouvez ne pas passer à l'action de vous venger. Dans un pays post-conflit, le doute est nécessaire pour contribuer à prévenir l'éclatement des conflits violents. Mais en cas de transmission de la mémoire blessée, on doit douter. Parce que les informations, la culture transmise peuvent être à l'origine des nouveaux conflits sur base des différentes interprétations faites à celles-ci. Selon toujours elle, il est nécessaire de promouvoir la culture du doute qui aide à la reconstruction des sociétés après les conflits. Dans un pays post-conflit comme au Burundi, on peut promouvoir la culture du doute en invitant la population à faire l'analyse des conflits qui ont secoué le pays et voir s'il n'y a pas de lien entre eux et la situation du moment, la situation qui règne. C'est pour éviter à ce que la situation qui règne puisse être l'origine des nouveaux conflits pouvant déchirer encore une fois notre pays. Pour examiner la vérité, Dr. Hélène Mawenimana trouve qu'il est besoin de mettre toutes choses en doute autant qu'il se peut. Ornella Mucho, il est 13h11 à Bujumbura et sur Isanganiro, un rapide rappel des titres avant de nous séparer. Un homme a été tué ce mercredi matin par un policier à la gâchette facile. L'incident s'est passé devant les bureaux de la microfinance Rose Family sur le boulevard de Luprona. L'agent de police est maintenant sous interrogatoire. La route nationale numéro 3 Lumonge-Bujumbura reste toujours impraticable à cause du glissement de terrain qui continue. Une deuxième pelle excavatrice de l'entreprise OGS Atom y a été dépêchée ce matin en renfort pour déblayer cette route coupée en commune Muhuta depuis la mi-journée de ce lundi. Et vous l'avez appris dans le reportage d'Apollonie Doussabé, aujourd'hui avec la pénurie du sucre, on se rabat sur le jus de canne à sucre pour consommer du thé. Et vous l'avez peut-être appris davantage dans la chronique « Parler, rassure-moi ». Le doute sur les messages concernant l'histoire douloureuse du passé prévient contre la prise de décisions hâtives qui souvent se révèlent dangereuses par après. 13h12 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Anselme Irambona au micro. Jean Bosco Ndouimana, passez un bon après-midi.